Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif pour cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est Fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures, durant lesquelles on va entendre Mystery de Montréal, Aliente d'Italie, La Bottega del Tempo Evapore d'Italie, Electric Eye de Norvège, Nemo de France, Alco Frisbass de France et Galasphère 347 de Scandinavie. Alors, on débute comme à l'habitude avec le premier bloc qui est consacré à l'album de la semaine. Et aujourd'hui, je vous propose l'album de Mystery. Okay, Mystery qui est un groupe de Montréal. C'est leur septième album en carrière, leur septième album studio. Le tout a débuté en 1996 avec Theater of the Mind et jusqu'à il y a trois ans avec Delusion Rain. Et ils nous reviennent avec Lies and Butterflies, un album de 64 minutes avec 7 pièces, dont 2 qui durent plus de 15 minutes. Le groupe est formé de 6 musiciens, Jean Pageot au chant, Michel Saint-Père à la guitare, Sylvain Moineau, guitare et clavier, Antoine Michaud au clavier, François Fournier à la basse et Jean-Sébastien Goyette. Je vous propose deux pièces, la quatrième et la septième, Something to Believe In et Chrysalis. Et j'ouvre une petite parenthèse ici pour souligner que cet album-là est numéro un en Europe sur le site Progressive Chart. Je pense que c'est un site allemand. Et Mystery a fait quand même plusieurs prestations là, durant la dernière année. Ils sont très appréciés en Europe et aussi au Québec. Je regarde les pages Facebook là, des sites, en fait, des groupes maniaques de rock progressif. Et puis Michel Saint-Père, Jean Pageot et compagnie nous reviennent souvent dans les commentaires parce que c'est un album qui est très apprécié. Alors, c'est à vous de juger. Puis je vous ferai remarquer aussi que la deuxième pièce, Chrysalis, l'intonation de la voix de Jean Pageot nous fait un peu penser à celle de Dennis DeYoung de Styx. Ça s'arrête là, la comparaison, parce que je pense que la musique de Mystery est pas mal plus étoffée. Alors, à vous de juger encore une fois.

Alors, c'était Mystery de Montréal avec deux extraits du plus récent album Lies and Butterflies. On a entendu Chrysalis et ça a été précédé de Something to Believe In. Alors, après la pause, un bloc consacré au progressif italien. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, comme précédé, mentionné avant la pause, nous avons un bloc 2 consacré à du progressif italien. La première pièce, c'est du groupe Aliente. Aliente, qui est un groupe nouveau sur la scène du rock progressif italien, avec un seul album paru en 2017, l'an dernier. Et c'est le titre de l'album, c'est Formé Libéré. Alors, Aliente, je mentionne que c'est un groupe, un trio de musiciens formé de deux anciens membres de Ego Band, pour ceux qui suivent le rock progressif italien. Et nous allons fermer le bloc avec le groupe La Bottega del Tempo Evapore. Et c'est un extrait de quand même assez long, de 19 minutes, d'une pièce qui en dure beaucoup plus longtemps. La pièce s'intitule Dama di Spade. Et l'album, c'est Viaggi in Versi. Alors, on débute ça avec Aliente. Thank you. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous voici donc rendus au troisième bloc de l'émission et ça va débuter avec une formation norvégienne du nom de Electric Eye. C'est un groupe qui existe depuis 2013. On le connaît trois albums et je vous propose une pièce de leur plus récent qui est quand même paru en 2017. L'album s'intitule « From the Poisonous Tree » et la pièce c'est « Rock pa Norska ». Et on va poursuivre avec la formation française Nemo. C'est une, pour ceux qui sont habitués à l'émission, vous avez sûrement entendu dans le passé plusieurs. En fait, ils ont 9 albums studio à leur actif, dont le plus récent, Coma, en 2015. Mais tous les albums qui ont paru depuis 2002 ont passé d'une façon ou d'une autre à l'émission Rock de Neurones. Alors, vous n'avez qu'à retourner sur archive.org, taper Nemo. Et toutes les émissions de Rock de Neurones qui ont eu Nemo dans la playlist ou la liste des pièces, ils vont apparaître sur archive.org. Alors, vous n'avez jusqu'à taper dans la barre outils Nemo. Alors, ce qu'on va entendre, bien, c'est un extrait du 7e album. L'album s'intitule Revolution et on va entendre la pièce Loin des yeux. En fait, c'est un extrait. Parce que la pièce est quand même assez longue, alors on va couper ça pour les exigences là, des blocs qui durent une trentaine de minutes. Alors on débute ça avec Electric Eye de Norvège. We'll be right back. la moindre miette, je vends les plus beaux sentiments, les rires d'enfants, j'achète puisque tout se vend. traîner ne laisse rien. Les autres n'ont plus qu'à mourir de faim. Quand certains s'y abusent de tout, les autres n'ont plus qu'à se laisser tomber. Thank you. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est la formation française Nemo et la pièce « Loin des yeux ». Ça, c'est extrait de l'album « Révolution » qui est paru en 2011. Après la pause, on reste du côté de la France avec Alco Frisbass et on va conclure avec la formation scandinave Galasphère 347. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Alors, nous voici donc rendus au dernier bloc de l'émission et on va débuter avec la formation française Alco Frisbass. Ça, c'est un groupe qui a déjà, en fait, vient de faire paraître son deuxième album studio. L'album s'intitule Le Battleur. On avait déjà eu en 2015 le premier album éponyme du groupe qui avait été très bien reçu. On l'a passé à l'émission à l'époque et puis moi j'en garde un très bon souvenir et je reviens avec cet album-là qui est paru il y a quelques semaines et on va entendre, comme je le mentionnais, la pièce-titre du Le Battleur. Et pour conclure l'émission, on va aller du côté de la Scandinavie. C'est un super groupe. En fait, la définition d'un super groupe, c'est que ce sont des musiciens qui viennent de d'autres groupes importants. Et dans le cas de Galasphère 347, ben on a des membres de White Willow, Henry Fool, Hank Lagarde aussi, pour nommer juste Mathias Olsson, qui est très bien connu du côté de la Scandinavie et de ce côté-ci de l'Atlantique aussi. Alors, je vous propose une pièce de leur premier album. La pièce s'intitule Barbarella's Lover. Et juste mentionner que cet album-là contient seulement 3 pièces de 10, 15 et 15 minutes. Alors, je vous propose une de 15 minutes. Alors, on débute avec Alco Frisbass. Thank you. I don't know how I feel anymore. Something happened on the way to the shore. Please believe me, I'm no Kurt Price acolyte. Xenon lights are bright at night, bright at night. Almost there at the sweetest hour. Stress the engine, push the car full horsepower. Foot to the floor makes me feel alive again. Hit the brakes and let me fall. Let me fall.

time.